بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. À propos de quoi s'interrogent-ils mutuellement? Au sujet de la terrible nouvelle, à propos de laquelle ils divergent. Eh bien, en vérité, ils sauront bientôt. Encore une fois, ils sauront bientôt. Alam naj'al al-ard mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. N'avons-nous pas fait de la terre une vaste étendue? Et n'y avons-nous pas enfoncé les montagnes comme des piquets? Nous vous avons créé en couple et avons fait du sommeil un repos pour vous. De la nuit, nous avons fait un vêtement couvrant. Et nous vous avons assigné le jour pour que vous puissiez aller en quête de votre subsistance. Et au-dessus de vous, nous avons érigé 7 cieux solides, y avons placé un flambeau éblouissant, et des nuages chargés de pluie. Nous faisons descendre une eau abondante, par laquelle nous faisons pousser des grains, des plantes, et des jardins luxuriants. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Certes, le jour de la décision est un jour déjà fixé. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, vous viendrez en masse. Le ciel sera alors ouvert et présentera plusieurs portes. Les montagnes seront déplacées et deviendront comme un mirage. L'enfer demeure bel et bien aux aguets. Destination dernière pour ceux qui se seront rebellés. Ils y demeureront à jamais. Ils n'y goûteront ni fraîcheur, ni aucune boisson, hormis une eau bouillante et un liquide immonde et intensément glacial, comme juste rétribution équitable. Certes, ils espéraient ne jamais devoir rendre compte un jour, Ils niaient nos versets de manière catégorique. Et nous avons tout consigné dans un registre. Alors goûtez donc aujourd'hui, nous ne ferons qu'accroître vos tourments. Inna lilmuttaqina mafaza حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. Certes, pour les pieux, ce sera la réussite. Ils auront à eux des jardins clos et des vignes, des femmes voluptueuses et toutes du même âge comme compagnes, ainsi que des coupes débordantes. Ils n'y entendront ni vains discours, ni mensonges. À titre de récompense de ton Seigneur et à titre de dons bien comptés. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Du Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre eux, le tout miséricordieux. Ils n'obtiendront de lui nulle interpellation. Le jour où l'esprit et les anges se tiendront en rang, nul ne parlera, hormis celui à qui le tout miséricordieux aura accordé la permission et qui dira la vérité. Ce jour-là sera inéluctable, alors que celui qui le veut cherche refuge auprès de son Seigneur. Nous vous mettons en garde contre un châtiment imminent. Ce jour-là, l'homme sera confronté à ce que ses deux mains auront mis de l'avant, et le dénégateur s'écriera : « Ah, si seulement je n'étais que poussière !»